Vendredi 13 janvier, Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10h. Bienvenue à l'émission Les Différents. Ce matin, à l'émission, j'ai eu envie de parler de l'emploi, du marché de l'emploi, même si le taux de chômage à Québec est au plus bas. J'entends souvent quand même parler des difficultés à se trouver un emploi autour de moi. Et puis, j'ai poussé le sujet un petit peu plus loin ce matin en me demandant quand on a un défi de plus, c'est-à-dire quand on vit avec un handicap, une limitation physique ou intellectuelle, comment ça se passe pour nous quand on cherche un emploi? Et puis, à ce niveau-là, j'ai fait mes recherches et puis il y a quand même des organismes qui aident, mais sur le terrain, on va en parler un peu plus aujourd'hui avec les invités. Je reçois pour nous parler de cette réalité-là Miguel Ross, qui est programmeur en informatique et qui est aussi non-voyant, ainsi que Sonia Charland de l'organisme et qui travaille, eux, offrent des services qui s'adressent aux personnes qui ont des limitations au niveau intellectuel ou du spectre de l'autisme, entre autres. Bonjour à vous deux. Merci d'être ici. Bonjour. Merci de l'invitation. Bien, ça fait plaisir que vous ayez accepté. J'aimerais ça commencer. Il y a déjà une ouverture qui se fait. On parle des qui travaillent, que vous aidez au niveau de la santé, des limitations, en fait, intellectuelles. Et Miguel, toi, de ton côté, c'est vraiment une limitation qui est plus considérée physique. Oui, visuelle. En visuelle, tant que telle. Exactement. Donc, on a deux réalités, parce qu'il y a aussi la croisée qui existe, qui pouvait pas être avec nous ce matin, qu'eux s'occupent justement des limitations, des handicaps physiques. J'aimerais parler tout de suite, d'entrée de jeu, avec les employeurs. On sent qu'il y a un progrès qui se fait. Mais est-ce que les entreprises ou les employeurs, est-ce qu'ils sont de plus en plus ouverts à engager quelqu'un qui a des limitations? Je vous pose la question aux deux. Tu peux y aller, Miguel? Ou... Non, tu peux y aller pour okay. commencer. Écoutez, allez-y les deux, il n'y a aucun problème. D'un, en profiter pour justement démêler quelque chose tout de suite, parce que c'est un des préjugés. Mm-hmm. Quand, c'est pas un reproche, mais quand on mêle toutes les clientèles, les trois clientèles qu'on dessert, santé mentale, limitation intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme, oui. c'est trois clientèles très, très distinctes. Donc, c'est pas, et qui travaillent s'occupent vraiment de ces trois clientèles-là de façon distincte. C'est important, là, que je le. Ben, merci. Je te reprenne parce que, pour nous, c'est important, puis c'est un des préjugés qui est transmis par les employeurs puis par tout le monde de mêler les trois clientèles. Et ce qui n'est pas tout à fait le cas non plus. Non, ben, c'est pour ça justement différent. Que vous êtes ici ce matin pour démystifier, parce que le sujet des différences, c'est ça, c'est de démystifier, voir les préjugés, tout ça, les comprendre, puis comprendre les réalités, puis c'est ce que vous m'expliquez. Donc, bien. Les employeurs... Écoute, et qui travaille est là depuis très, très longtemps. Les employeurs ont toujours été dans le coup, mais je dirais que c'est un travail de sensibilisation et d'expérience par l'exemple. Souvent, un milieu de travail qui intègre une personne et qui en parle à son confrère dans le même secteur d'activité économique, ça compte beaucoup de points. Mm-hmm. On est dans une région où, oui, c'est vrai que l'économie est favorable, mais il y a des secteurs d'emploi qui sont plus difficiles, qui sont plus exigeants. Et si les gens qui ont des limitations ont la capacité de répondre à ce besoin-là et qu'il y a des success stories, ça fait toute la différence. Bien, c'est inspirant. Oui. C'est inspirant, puis ça ouvre justement. Puis le bouche à oreille fait pour beaucoup. C'est sûr que nous, on peut faire de la sensibilisation, aller dans les milieux de travail, présenter des candidatures, parler de nos services d'accompagnement, d'accommodement, de soutien et de maintien en emploi. Mais c'est vraiment les personnes eux-mêmes qui sont garants du succès au bout du compte et qui ouvrent la porte aux autres personnes. C'est ça. Autant au niveau Au niveau des employeurs, entreprises, que des employés puis des candidatures, là, c'est des deux côtés que aussitôt qu'il y a une ouverture, ça évolue puis ça fait justement que les portes s'ouvrent. De ton côté, Miguel, je sais que toi, t'es à la recherche d'emploi présentement. T'es un programmeur. Oui, je suis un chômeur. Oui. Et justement, je suis programmeur, ça c'est ma force, OK? Il faut s'entendre que les personnes qui ont un handicap visuel, la plupart, ils ont une force précise. Ça j'ai remarqué ça, là, un non-voyant ou un semi-voyant va avoir une force précise dans quelque chose, et moi, ma force, c'est l'informatique, OK? T'as étudié là-dedans aussi. Effectivement, j'ai étudié là-dedans, j'ai été chercher mes crédits et tout et tout. Là, je voudrais peut-être faire une petite parenthèse sur quelque chose que je viens d'entendre qui me choque un petit peu ce matin. OK. Écoute, je te laisse la parole, Miguel. OK. C'est justement par rapport à... C'est quoi, madame... Sonia de qui travaille? Ah, OK, c'est ça, c'est vous, là, justement... Il y a une chose qui me choque un petit peu ce matin, c'est que vous venez de mentionner que vous avez des services d'accompagnement pour les personnes sur les milieux de travail. Nous, là, je dirais que on les a pas vraiment. On ne l'a pas, ça. Vous avez raison. Nous, à Equitravail, on est financé par Emploi Québec, ce que la majorité des services d'aide à l'emploi sont financés par Emploi Québec. Mais nous, on a un budget à part qui vient du CIUS, qui vient de Santé et Services sociaux, pour les agents d'intégration. C'est un budget qu'on a fini de longue haleine. On s'est battu beaucoup pour finir par avoir ça. Effectivement. Mais là, c'est pas juste c'est pas tous les services d'aide à l'emploi qui ont ça. Nous, on a trois services. Le service d'aide à l'emploi régulier financé par Emploi Québec, un service d'agent d'intégration pour l'accompagnement en maintien de travail. Malheureusement, on aurait besoin plus que ça, mais on a au moins deux agents. Ouais, et on a pire, vous n'avez au moins. Puis on a un service de groupe d'entraide pour les travailleurs travailleuses qui sont en emploi puis ce budget-là de groupe d'entraide aussi financé par Santé et Services sociaux. Ben en tout cas, je suis pas jaloux, hein, en passant là. Je veux préciser à nos auditeurs puis à madame ici là que je ne suis pas jaloux parce que justement c'est mais bien. Mais c'est une réalité. C'est avantageux effectivement. C'est une réalité que tu dénonces de ton côté. Oui oui, absolument, mais c'est ça, je veux pas dire je veux pas que les gens pensent j'envie cette personne là parce que non. OK. Il faut mais il n'y a pas de jalousie. C'est juste que je suis choqué ce matin d'apprendre ça parce que je me dis déjà juste pour faire une histoire courte à ce propos-là, c'est que je suis une personne que j'ai remarqué dans le milieu des non-voyants pour ce qui est de l'emploi. Bon, on a la croisée qui nous aide et qui nous... vu qu'elle a été nommée, je me permets de la nommer, OK? On a la croisée qui nous aide et qui peut nous aider à faire de ce qu'on appelle de la recherche d'emploi intensif. Et j'apprécie beaucoup, parce que j'ai quand même eu une expérience avec eux. C'est ça, tu as eu recours à leur service. J'apprécie beaucoup. Ce qu'ils font, c'est qu'ils te font de la recherche d'emploi intensif dans le domaine dans mon cas à moi, c'est programmeur. Donc, ils t'aident à préparer ton CV et ta lettre de présentation de sorte à ce que tu l'envoies à l'employeur. Maintenant, après ça, moi, c'est l'après, là, qui me choque le plus ici, c'est que, juste pour faire une histoire courte, il y a une entreprise à laquelle j'ai appliqué et le gars m'appelle, il me dit « Hey, monsieur, votre CV est très intéressant. On trouve que vous avez du potentiel, monsieur. Ça n'a pas de bon sens. Quand est-ce qu'on se voit? » Fait que là, moi, j'ai dit au gars, écoutez, on va vous mettre les points CI, puis bon, c'était tout de suite. Puis, parce que moi, faire la boîte à surprise, là, arriver à une place, pas avoir dit que je suis non-voyant, puis j'arrive comme ça, comme dans une boîte à surprise, là, coucou, je suis là. Oui. Non, je veux pas faire ça. Parce que je trouve que c'est pas honnête, premièrement, de faire ça. Donc, j'ai dit à la personne, je suis non-voyant. Tout de suite, là. Ah, ben, monsieur, on veut pas trop vous déranger. Écoutez, là, on va... Tu sens qu'il y a un malaise. C'est ça. Ça a été, là, tout de suite, là, on va... Ben là, j'ai dit, écoutez, monsieur, j'ai dit, vous me dites que mon CV est super bon, puis là, parce que je vous ai dit que je suis non-voyant, mon CV est plus bon tout d'un coup. C'est quoi, là? Y a-t-il un manque de sensibilisation ou d'éducation au niveau du marché de l'emploi pour les limitations? Est-ce qu'on pense que est-ce qu'on pense justement que les gens qui viennent appliquer chez nous vont être, parce que c'est ce que j'ai relaté le plus, là, c'est ce que j'ai répertorié le plus, est-ce qu'on a peur que les gens soient plus lents, qu'ils soient moins productifs, que le taux d'absentéisme soit plus élevé? Est-ce que des deux côtés, c'est quelque chose que vous entendez, des craintes des employeurs? La lenteur, je dirais oui, effectivement, malgré que, tu sais, dans le service en informatique, avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est pas possible de... c'est pas possible d'être lent. C'est sûr que la personne, si elle a quand même bien suivi ses cours, elle a fait son éducation scolaire correctement. On parle d'un non-voyant qui a bien appris son braille puis qui était capable de cheminer dans son milieu scolaire. Ben, à ce moment-là, mm-hmm. S'il y a une bonne lecture au niveau de la vitesse et tout, c'est sûr que c'est pas si pire que ça, là. Ça vient pas ralentir à ce point-là, là. Puis, pour ce qui est de l'absentéisme, ben moi j'en parlerai pas ben parce qu'honnêtement, j'ai déjà travaillé dans certains endroits, puis quand j'étais vraiment malade, là, quand on dit malade comme un chien, là, avec la grosse grippe puis tout, je trouvais le moyen de me présenter sur le milieu de travail. Fait que moi, j'étais quelqu'un là, qui était mais très... Des fois, ça peut arriver pour des rencontres médicales, tout ça, les gens se font... Oui, ça, oui, les employeurs, peut-être, se font des idées préconçues, ben il y a un suivi médical avec... peu importe, là je parle vraiment là en général, je parle pas d'une limitation. Mais ou de maladie. Mais il y a aussi d'autres choses aussi par rapport aux employeurs. Le problème aussi, puis ça, c'est une personne non-voyante qui m'a fait fi de ça, c'est que il y a aussi les assurances. Les assurances des entreprises, ceux qui sont assurés, mm-hmm. eux, ce qu'ils disent, c'est tu veux une personne handicapée, ben on va doubler ta prime. OK. Explique-nous ça. Donc, parce que c'est une personne handicapée, eux ont pour leur dire que le taux d'accident de travail risque plus fort. Donc, on double ta prime si tu prends une personne handicapée. Donc, l'employeur, là, malheureusement, des bouts, là, il est obligé de pas prendre la personne à cause que l'assurance menace de doubler la prime. Oui, allez-y, Mme Charland. Oui, c'est ça. Je peux pas parler des assurances. C'est sûr que c'est une réalité très différente avec les personnes qu'on dessert chez nous. Mais je voulais faire, tu pousses un petit peu sur ce que tu avais dit tout à l'heure sur moi, j'ai une force. Mais quand on fait de la recherche d'emploi, peu importe qui on est, ce qu'on a à faire valoir, c'est notre force, effectivement, notre compétence, nos qualifications, nos intérêts. On part avec ça quand on fait de la recherche d'emploi. C'est de les mettre de l'avant. Puis après ça, effectivement, c'est de voir, je dirais, défaire des préjugés. Comme vous parliez, bon, vous parliez de lenteur, mais c'est pas nécessairement juste la lenteur. T'sais, la lenteur, des fois, ça, c'est pour plus les gens qui ont des limitations intellectuelles. Mais on a des préjugés, les gens vont penser que les personnes qui ont des limitations intellectuelles savent pas lire, c'est pas le cas de tout le monde. Mm-hmm. Qui savent pas conduire, c'est pas le cas de tout le monde. Qui sont toujours de bonne humeur, c'est pas le cas de tout le monde. Ils ont bien le droit d'avoir des humeurs comme tout le monde. Là, oui. La clientèle, santé mentale, les préjugés qu'on va, je vous en nomme une couple, là. Ils ont peur d'avoir que la personne devienne violente si ça fait pas son affaire ou s'il y a quelque chose qui va pas, ben ils vont dire c'est un manque de volonté. Les personnes TSA, ben ils vont penser que les personnes TSA c'est toutes des surdoués. Ce que nous parle TSA, c'est trouble du spectre de l'autisme. Ah, ok. Merci avant les, oui, c'est ça, on les appelait les autistes. Maintenant c'est trouble du spectre de l'autisme. Ils arrêtent pas de nous changer la nomenclature. Ouais, mais j'aime cette formule là parce qu'il y a plusieurs sortes d'autistes. Hein, exactement. T'as Asperger, je vous dis ça parce que j'ai travaillé moi dans le milieu mental, hein, dans le mm-hmm. milieu de la santé mentale pour un organisme qui s'appelle le Déclic à Montréal. J'ai eu un emploi de 2008 à 2012 mm-hmm. et cet emploi-là était de prendre des livres parlés qui étaient faits par l'organisme Vues et Voix sur bande magnétique et de les transformer en mode DAISY, qui est un mode de média maintenant que les livres sont sur CD et c'est mm-hmm. numérique. Mais tout ça pour dire que ce que vous dites là, pour moi, c'est pas du tout inconnu parce que j'ai quand même fréquenté le milieu des gens en santé mentale, ce qui a fait que... Et des personnes autistes. Exactement. C'est ça. Mais c'est pour revenir, c'est ça, Mme Charland, pour continuer votre point. Ben c'est ça, des préjugés que... en lien avec les TSA, ben les gens vont considérer que la personne n'est pas capable de parler. Oui, effectivement, il y a des gens qui il y a toutes sortes de types de TSA. Les gens pensent souvent que c'est une maladie. T'sais. Des limitations intellectuelles, c'est pas une maladie. Un TSA, c'est pas une maladie. C'est un état. C'est très différent. Donc ça, c'est des préjugés qui sont pas nécessairement nommés, qui sont généraux à tout le monde, qui des fois sont nommés de temps en temps par les employeurs, puis qu'on doit effectivement défaire. Mm-hmm. Mais c'est du cas à cas à chaque fois. Puis c'est, comme je répète, là, de faire valoir les compétences, les qualifications. Puis après, si l'employeur est ouvert, est intéressé, de voir là, à lui parler s'il y a des accommodements possibles, puis si la personne en a besoin. Parce qu'il faut comprendre que il y a des gens qui viennent chez nous, que leur besoin n'est pas nécessairement en lien avec un accommodement ou un manque de productivité en lien avec la tâche. Mm-hmm. C'est l'aide à la recherche, c'est comment je vais me présenter, c'est gérer mon stress dans tout ça. Donc, c'est se préparer. Il y en a que, au contraire, ça va aller plus loin, qu'ils vont avoir besoin de nous au recrutement, ils vont avoir besoin de nous après aussi. Mais tout le monde n'est pas pareil. Il peut avoir un manque de confiance aussi de la part, comme n'importe quel chercheur d'emploi. Oui. Sauf que, est-ce que les gens avec une limitation ont plus de noms que monsieur, madame, tout le monde, peut-être qu'il n'y a aucune limitation ou à peu près pas? Dans mon cas à moi, je dirais des noms, pas des noms directs, je dirais des classiques. Genre, des noms détournés. Exactement. Genre, okay. Finalement, on a trouvé quelqu'un on a trouvé quelqu'un, finalement, la place est prise. Ou, finalement, on a aboli le poste. Ce qui est peut-être même pas vrai, là. Tu sais, on a placé une offre d'emploi, puis on a aboli le poste. On l'a aboli, puis après ça, okay. Tu t'en vas te checker sur le site ou tu fais des vérifications plus approfondies et tu t'aperçois que c'est pas vrai. Mm-hmm. Puis là, tu essaies de rappeler ces gens-là, puis les gens ne te répondent pas. Ça serait à savoir si, à un moment donné, on va au droit de la personne. Il y a des recours, j'imagine, à ce niveau-là, quand on voit que des employeurs sont fermés ou qu'on voit qu'il y a eu de la discrimination. Parce qu'il y en a, c'est beau, on parle de... Oui, il y a de l'intégration, il y a de plus en plus d'ouverture. Les gens commence à être de plus en plus informé pour le marché de l'emploi avec des gens qui ont des limitations. Mais il y a quand même des réalités qui sont qu'on se fait fermer la porte plus souvent qu'à notre tour. Je sais pas, là. La clientèle, ouais, c'est ça, j'en ai pas, là. Puis c'est sûr que chez nous, quand on se fait dire non à quelque part, ben on va cogner ailleurs, puis on poursuit la démarche. Mais quand vous faites dire non... Il y a une différence entre se faire dire non ou pas être sélectionné, puis se faire discriminer sur la base d'un handicap. Mais ça, il faut que ça soit vraiment clair, direct, et qu'il y ait des preuves pour mm-hmm. faire des poursuites. Mais quand vous faites dire non, moi, la question que je me pose là-dessus, là, c'est vous, là, avec qui travaille, est-ce que c'est des classiques aussi que vous recevez ou vous avez des noms un peu plus directs, disons plus francs? Ben, c'est-à-dire que des gens qui font qui passent en processus de sélection puis qui se font dire non, chaque employeur a ses critères de sélection puis a le droit de choisir en fonction de ses critères. Quand nous, on fait du recrutement d'employeurs pour faire de la sensibilisation puis qu'on se fait dire non, des fois, je dirais, c'est travaillable. Tu sais, des fois, on voit qu'il y a une petite ouverture. Mm-hmm. Alors, on peut jaser un peu plus longtemps puis demander une rencontre. Mais quand on voit que la personne n'avait rien à savoir puis c'est carré puis on passe à un autre appel, simplement, parce qu'on va pas s'acharner, là. Mais parlons-en de votre approche. C'est quoi votre approche envers, pour aller chercher justement ces employeurs-là, vous faire connaître des employeurs, des entreprises à Québec? Bien là, il faut démêler une chose. On n'est pas une agence de placement, nous. Notre mandat, c'est d'aider et d'outiller et d'accompagner la personne pour qu'elle devienne de plus en plus autonome et qu'elle soit capable de faire son recrutement d'employeur elle-même. Ouais. Donc, il y a une bonne partie de notre clientèle qu'on peut outiller et, j'allais dire, accompagner dans l'ombre et qui est capable de faire tout ça elle-même. Mm-hmm. Et qui n'a pas besoin d'être financière et qui n'aura pas nécessairement besoin de nous à l'emploi et après. Et on a une autre partie de la clientèle que, oui, effectivement, là, on va soit les accompagner lors du recrutement, soit le faire aussi pour eux. Mm-hmm. Et faire du recrutement d'employeurs. Mais c'est pas notre rôle et mandat premier. On n'est vraiment pas une agence de placement. Là, c'est important de le comprendre. Là. Oui. Mais pour les gens qui en ont besoin, on va le faire. Puis dans ce temps-là, nous autres, notre approche est simple. Là. C'est contact téléphonique en premier, puis on essaie après, si la personne a le moindrement d'ouverture, aller la rencontrer, lui parler. Des fois, on a des candidats, on essaie de le faire quand on a une candidature, aller présenter la candidature, aller présenter les compétences de la personne, puis aller présenter nos services d'accompagnement, les possibilités d'accommodement, puis d'aide de soutien financier au manque de productivité s'il y a lieu. Mais encore là, c'est pas tout le monde qui a besoin de ça puis qui a accès aussi. Là. Mais c'est vraiment du 1-1, là. C'est ça, c'est vraiment du cas par cas, puis oui. c'est dans le fond, vous adaptez vos services aussi là, en conséquence de la personne qui est devant vous. Oui. Parlons-en de l'aide financière aux employeurs. Il y a le CIT qui est le contrat intégration travail, effectivement. Miguel, tu connais ça mieux que moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? C'est une subvention que le gouvernement offre à un employeur qui va d'abord, pour avoir cette subvention-là, on a une rencontre, dans mon cas à moi, avec la Croisée, qui va mesurer le pourcentage que ça va prendre pour que, quand on fait un travail, combien de pourcentage qu'on a besoin, dans mon cas, d'un voyant pour compléter certaines tâches. Dans mon cas, en informatique, en tant que programmeur, je donne un exemple, si j'ai besoin d'avoir accès au BIOS d'un ordinateur, il n'y a pas d'adaptation précise pour ça, donc ça me prend un voyant pour être capable de me lire ce qu'il y a à l'écran pour que je puisse compléter mes tâches. Donc ça, c'est une aide. Donc, on calcule le pourcentage dans les divers sujets de l'emploi, et selon le pourcentage qui a été émis, à ce moment-là, c'est que le gouvernement va donner le pourcentage du salaire que l'établissement ou l'entreprise va donner à l'employé, et l'entreprise va avoir juste à débourser le restant du pourcentage du salaire qu'il donne à l'employé en général. Donc, pour faire un exemple bien simple, si, mettons, mon cas est évalué que ça me prend 73% du temps qu'un voyant soit là pour m'aider à accomplir certaines tâches, bon, le gouvernement va donner 73% du salaire et l'employeur va débourser le reste pour compléter mon salaire. Okay. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne, un CIT. Et le CIT, pour une personne non-voyante, parce qu'on s'entend que le CIT, c'est à de multiples autres... au niveau des autres handicaps ou au niveau des autres personnes, on appelle ça subvention salariale. Mais pour le CIT, c'est que, en tout cas, jusqu'à date, ce que je sais du CIT, c'est que pour les personnes non-voyantes, on l'a à vie. C'est-à-dire, tant et aussi longtemps qu'on travaille dans l'entreprise en question, le CIT reste là jusqu'à ce que le travail arrête. Madame Charland, vous vouliez rajouter quelque chose? Je voulais donner un exemple en lien peut-être avec nos types de clientèle. Parce qu'il y a, oui, effectivement, il y a... Premièrement, là, je vais te reprendre, Miguel. Il y a des subventions et il y a des aides financières. Des subventions, c'est, mettons, une subvention salariale d'Emploi Québec. Sphère Québec, c'est une subvention et c'est dans le temps et c'est ponctuel. Un CIT est plus une aide financière pour combler un manque à gagner de productivité. Il y a ce volet-là et il y a le volet aussi pour de l'équipement d'adaptation. OK. Une personne qui aurait un handicap physique, Miguel, t'aurais besoin d'un équipement particulier à mettre sur ta machine. Ça, là-dessus, je t'arrête un petit peu parce que c'est la RAMQ qui s'en occupe. Ça dépend pour qui. Parce que un accommodement matériel peut être aussi financé par le CIT. Oui, mais au point de vue des non-voyants, je te dirais que c'est l'IRDPQ dans le cas de Québec ou Nazareth et Louis Braille qui s'occupe de donner les aides visuelles. Ben, c'est la RAMQ qui finance ça. Miguel, t'es mieux placé que moi pour le bout handicapé visuel. Ce que je voulais dire aussi, c'est pour les CIT, c'est qu'il y a le manque à gagner de productivité qu'on calcule, mais il y a le surplus d'encadrement, de besoins particuliers qui va être qu'on comptait effectivement. Mm-hmm. Et ils vont vraiment, si la personne est productive, un peu comme Miguel disait, à 80 % l'employeur va payer le 80 % et l'aide financière va être de 20 % Exactement. Tout simplement. C'est exactement ça. Et quand ça. On dit que c'est à vie, c'est à partir du moment où la productivité n'augmente pas. Si c'est un handicap qui ne bouge pas, ouais. elle va être à vie. Mais si c'est par exemple, je vais donner l'exemple d'une limitation intellectuelle ou peut-être que la personne en début d'emploi ou quelqu'un qui a des problèmes de santé mentale en début d'emploi va avoir un plus haut pourcentage mm-hmm. et après ça peut diminuer et ça peut aller jusqu'à à s'arrêter complètement. Ça y va en chaque fonction, cas, c'est différent. C'est, oui. c'est ça, ça va en fonction et de ce que la personne est capable de faire au niveau de la productivité. Oui. OK. Si ma productivité augmente, ben l'aide financière va diminuer, c'est certain. OK. Comme dans mon cas, ben c'est sûr que ça garde une certaine stabilité c'est parce ça. Que on pourra pas, je pourrais pas voir demain matin. Exactement. Non, donc, non, c'est ça. C'est ça que pour dans certains handicaps, ça bouge jamais. Exactement. On va prendre une pause et puis au retour, on va continuer sur le sujet justement des employeurs, puis l'entourage aussi. On va parler de ça, puis qu'est-ce qui est... On va continuer à parler de la réalité du marché de l'emploi pour les personnes qui ont des limitations. On vous revient. On est de retour à l'émission Les Différents. Mélanie Fleurant avec vous jusqu'à 10 heures. Il reste une demi-heure à cette belle émission-là. Et puis aujourd'hui, on parle d'intégration au travail quand on vit avec une limitation ou un handicap. Et puis j'ai mes invités qui sont Sonia Charland de Qui Travaille et Miguel Ross qui vit avec un handicap. On pourrait dire ça, qui est un... T'es non-voyant, Miguel, mais t'es surtout programmeur en informatique parce que c'est ta passion. Oui, c'est ça. Ma passion, c'est ma force. C'est... Ben puis j'ai quand même étudié, j'ai eu mon diplôme et puis j'ai eu, tant qu'à faire mon CV, on va le faire ici. J'ai eu mon diplôme en tant que programmeur analyste, attestation d'études collégiales. J'aime mieux le préciser pour être tout à fait honnête. Mm-hmm. Et j'ai eu, quand j'ai étudié au Collège de Metz, le prix qui est décerné au travers de 2000 étudiants, j'ai eu le prix du lieutenant-gouverneur général du Canada. Bravo. Donc, bravo, Miguel. Voilà. Puis t'as de l'expérience, tu travailles. Je dirais par exemple que j'ai commencé à travailler seulement qu'en 2008, puis j'ai terminé en 2000. Ça, il y a pas loin de 8 à 10 ans là, que tu me parlais en pré-entrevue de où est-ce que tu n'as pas travaillé là, là-dedans, Miguel. Effectivement, puis que j'ai tout essayé. Tu as cherché. C'est... Absolument. OK. T'as fonctionné, t'as été vraiment voir les centres, t'as été cogné aux portes, puis... Mais c'est la réalité qu'on voit. De votre côté, Mme Charland, est-ce que c'est aussi la réalité que vous voyez? Parce que les gens qui vont chez vous, chez qui travaillent, oui, ont des limitations. Mais dans un sens, est-ce que... On parle, admettons, du TSA, qui est le trouble du spectre de l'autisme. Dans ce cas-là, par exemple, ça ne veut pas dire que ces gens-là n'ont pas été à l'école, n'ont pas de diplôme. Ça ne veut pas dire ça. Ils ont des diplômes, ils ont des qualifications. Est-ce que c'est long? Est-ce que vous entendez ces histoires-là, vous qui êtes sur le terrain? Bien, c'est sûr que tous les cheminements sont différents, mais effectivement, on peut avoir des gens qui cherchent dans un domaine donné, parce qu'il y a ça aussi. Mm-hmm. On a des compétences, des qualifications. Comme vous dites, les personnes TSA, les gens qui ont une problématique de santé mentale, ils sont scolarisés, ils sont pas nécessairement... Ça peut être plus long. Ça arrive aussi qu'ils vont accepter un emploi qui n'est pas dans leur domaine, leur champ de formation puis leur champ d'intérêt, parce qu'à court terme, ils doivent manger. Ils vont poursuivre les démarches et ils vont continuer à chercher parce que c'est, pour certaines personnes, c'est plus long. Pour d'autres, non. Mais effectivement, des fois, c'est pas... Tu sais, notre mandat à nous, normalement, c'est sur 52 semaines, on admet une personne, mais c'est ça arrive qu'on demande des prolongations puis qu'on dise, écoutez, là, 52 semaines est fait puis on continue à travailler avec mm-hmm. cette personne-là pour y arriver parce qu'on n'y est pas arrivé là. Et vous ne le laissez pas tomber. Ça, c'est pas... c'est, au moins, vous amenez une certaine sécurité à ces personnes-là, mais il doit y avoir un découragement. Parce que il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est pas parce qu'on a un handicap, une limitation, que c'est notre vie. On a aussi des passions autour de ça. Miguel, toi, t'en es un bon exemple avec l'informatique. Tu tripes informatique, mais ça se peut aussi qu'on ait des envies de pousser notre côté professionnel. On a des défis professionnels qu'on a envie de relever. On n'est pas qu'un handicap ou une limitation ou un physique ou intellectuel, là. Non. Non, effectivement. Et puis, ça, moi, on l'oublie, tu trouves ouais, pas? Oui, effectivement, on oublie que parce qu'on a un handicap, il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'on a un handicap, on n'est pas capable de rien faire, ce qui n'est pas le cas. Vous n'êtes pas que le handicap, c'est ça? C'est ça. Puis, juste pour faire une parenthèse sur ce qu'on disait tantôt par rapport aux problèmes de travail que j'ai pas pu trouver dans 10 ans aussi, c'est que j'aimerais passer un message ce matin. J'aimerais remercier, OK? Parce que ça, c'est sûr que y a une, on le fait pas. Puis ça, c'est, je calcule que en tant que pour, la, je parle au nom de la communauté des non-voyants, on le fait pas. J'aimerais remercier les gouvernements de m'avoir donné le prêts et bourses en bourse pour que j'aie la chance d'étudier. J'ai eu droit à une bourse de 24 000 pour Institut de Metz, qui a été mon premier cours en programmation, qui en a coûté 14, et le reste, évidemment, ça a été pour que moi, je puisse vivre. Donc, merci beaucoup pour ça. Et j'aimerais remercier aussi pour le cours de revision que j'ai fait à l'Université de Montréal avec le programme Réussir. J'ai eu quand même une bourse de, je pense, de 6 000, donc, pour payer mon cours et tout et tout. Donc, je remercie le gouvernement pour ça. Par contre, ce que je demanderais, et ça, c'est le message que je veux passer, quand on a réussi nos études, ça serait-tu possible de nous appuyer plutôt que de nous laisser tomber en direction de l'aide sociale par la suite? Ça, on peut-tu? Oui, ça, tu m'en as parlé, Miguel. C'est ta réalité à toi. Moi, je parle pas de la réalité en général nécessairement parce que... Mais tu dois pas être le seul à avoir vécu ça. Plupart, on a à peu près tous vécu en général, je te dirais, pour avoir consulté des non-voyants. Puis c'est pour ça que je parle pas juste pour moi. Ouais. Je parle au nom des non-voyants. Pouvez-vous nous appuyer, s'il vous plaît? Le message est clair? C'est, tu demandes l'appui dans quel sens? Dans le sens que j'aimerais que les gouvernements, OK, t'as réussi, bon ben, pour t'éviter que tu retournes sur l'aide sociale au crochet de la société, ben, on va vous aider, on va s'organiser pour que vous puissiez avoir un emploi. On va vous donner les coups de main nécessaires. On va essayer de sensibiliser plus les employeurs à ce niveau-là. Il faudrait que non seulement les organismes qui sensibilisent les employeurs se mettent de la partie, mais que vous, le gouvernement, vous vous mettiez aussi de la partie. Pour embaucher eux-mêmes. Pour embaucher parce eux-mêmes que aussi. Je veux pas cogner sur le clou, mais je vais le faire. Allez-y. Malheureusement, notre système, on est dans une ville où il y a beaucoup de ministères et c'est pas le plus gros employeur pour les personnes handicapées. C'est un des plus gros employeurs, mais pas pour les personnes handicapées. C'est ça. Théoriquement, il devrait provincialement à côté le 2%. Il n'y arrive même pas provincialement. Donc, c'est problématique, là. Il faudrait minimalement prêcher par l'exemple. Parce que des emplois, il y en a dans les ministères. Il y a un programme qui s'appelle le PDE-IPH. Exactement, dont j'en ai fait partie. Il est trop peu. Il y a de moins en moins de postes par année. Et ces postes-là, malheureusement, ne finissent pas toujours par des contrats à long terme. Exactement. Le PDICH que vous parlez, PDE-IPH, c'est un programme de développement à l'embauche, à l'intention des personnes handicapées. OK. C'est un stage rémunéré sur la base d'un an. D'un an, OK. Oui. OK, juste pour situer, puis pour me situer aussi, pour comprendre les vraies choses de votre côté. Il y en a presque plus. Qu'est-ce que vous... Il y a moins de projets qui sont présentés par année. Et ça, c'est les pour exigences, aller au gouvernement. Les exigences sont élevées. Oui, c'est pour avoir un emploi d'un an dans un ministère. Okay. Et puis après, ben on a l'expérience, puis on peut être dans la banque pour des postes plus permanents, là, des postes c'est de C'est au moins rappel. De mettre un pied dans la place. Là. Oui. Mais voyez-vous, pour l'histoire du PDEIPH, juste pour faire une petite parenthèse là-dessus, juste pour démontrer que des fois, il faut quasiment que tu te battes pour avoir un emploi. Puis ça, je parle pour moi, pour la cause des non-voyants. Mm-hmm. Il a fallu que je me choque et que j'aille dans le soleil pour avoir mon PDEIPH. Il a fallu que j'aille faire un article de journal. Et si vous voulez, là, les auditeurs qui nous écoutez, là, allez sur Google, là, cherchez « L'austérité est aveugle ». Vous allez avoir ma belle photo puis le bel article de journal qui figure là. Tu y disais quoi? Dans cet article-là, pour résumer aux gens. Ben, que de quoi que... Qui n'aurait pas vu ta super photo. Que j'ai passé à mon entrevue et tout, que j'étais censé t'accepter, puis que là, il y avait du niaisage qui se faisait, là. Ça faisait en sorte que j'avais déménagé à Québec, j'avais emménagé à Québec pour cet emploi-là, et puis là, il me faisait attendre des mois et des mois pour que je finisse par me choquer, puis qu'il finisse par dire, OK... pour pas qu'on ait une mauvaise foi ou mauvaise cause envers le public, on va l'engager. Donc, le dossier est devenu comme politique par rapport à ça. Là. Donc, toi, t'es déménagé, toi, t'es parti de Montréal. Exactement, t'es arrivé à Québec pour ce poste-là. Pour ce poste-là, parce que... Puis, on t'a laissé un peu sur le banc. On a essayé... Jusqu'à temps que tu te choques, On a essayé de me mettre dans une craque, comme on dit, une craque, là, pour que je puisse passer entre les sièges, puis que je puisse pas avoir accès. Malheureusement, ils ont pas tombé sur le gars qui se laisse faire. Ça, c'est de valeur, hein? Non, tu te laisses pas faire ça. Je peux le constater. C'est bon. Des histoires comme ça, je sais pas s'il y en a beaucoup, parce que, Miguel, t'es le seul porte-parole, si on veut, des non-voyants en studio ce matin. Si on se réfère aussi aux collègues, dans ce cas-là, quand on arrive sur place à un travail, les collègues, est-ce qu'ils sont prévenus? Parce que tu me parlais, par exemple, il y a une place où est-ce que tu as été suivre un cours, les professeurs n'étaient pas au courant. Ça, c'est à Demers, justement. C'est au collège Demers, justement, où ce que les professeurs... Parce que là, je parle des professeurs, mais des collègues, puis tout ça, l'entourage... Ça, je te dirais qu'au niveau des collègues... Est-ce qu'on est préparé ou pas? Ils ont été prévenus quand j'ai passé mon entrevue au PDEIPH, puis que le supérieur a accepté mon entrevue, ben ils ont été prévenus. Et puis, je te dirais que, dans l'ensemble... Il y a des collègues, même, quand je suis parti, quand mon contrat s'est terminé, ils ont chialé parce que j'étais plus là, puis que le travail se faisait pas. OK. Donc, l'efficacité était plus là, puis ils ont chialé, puis ils ont dit, maudit, pourquoi vous l'avez pas gardé plus longtemps jusqu'à temps qu'il y ait son concours, puis il travaillait bien, puis on avait de l'avance, puis ça avançait nos affaires, puis là, ça avance plus, puis... Madame Charland, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, bien, c'est ça. Dans les participants qu'on a chez nous, le fait que le milieu de travail soit sensibilisé ou pas, sache ou pas, c'est vraiment en fonction de la réalité de chaque personne, aussi du choix de chaque personne. Il y a des gens qui ont des problématiques de santé mentale, et l'employeur ne saura pas nécessairement c'est quoi le diagnostic, mais il va avoir l'information en lien avec le travail qui est pertinent. Et il y a des personnes qui vont demander à ce que le milieu de travail soit sensibilisé. Des fois, nous, on va recommander, je vais donner l'exemple d'une personne TSA, dans un milieu, on va recommander à la personne TSA d'aller dans le milieu de travail, d'expliquer aux confrères, aux consoeurs de travail la situation, sa situation à elle. Il y en a qui acceptent, il y en a qui acceptent pas. C'est vraiment, tu sais, c'est du cas par cas. Et c'est aussi le choix de la personne de vouloir s'identifier à tout le monde ou de vouloir s'identifier seulement à une personne. Et il y a des gens qui viennent chez nous aussi, qui prennent tout le service d'aide d'accompagnement, qui cherche un emploi autonome et qui s'identifie pas, tu sais. Ils font ce choix-là aussi, là. Donc, c'est vraiment du cas par cas. C'est sûr que je comprends, Miguel, que quand on a un handicap visuel, c'est dur de ne pas en jaser, là. Ouais. Hein? C'est visible, mais pour certaines limitations, c'est différent. Là. Ah oui, absolument, ça, oui. Est-ce que c'est obligatoire de le dire? Est-ce que vous êtes au courant là-dessus? C'est-tu obligatoire quand quelqu'un arrive avec un handicap? Ben, Miguel, dans ton cas, c'est sûr et certain. Il y en a qui me disent, dis-le pas, il va le voir quand tu vas arriver là-bas. Puis ça va comme forcer. Il y en a qui disent que c'est une technique là, que j'ai déjà entendue de part et d'autre, puis qui disent que en allant là, ben, veut pas, il n'y a pas le choix, il t'a d'en face, fait qu'il n'y a pas le choix de te faire ton entrevue. Mais je suis pas capable de faire ça, moi, là. Je suis pas capable. Mais les obligations, dans le sens où c'est sûr que si tu vas avoir des accommodements, mettons, dans un ministère, tu remplis les formulaires gouvernementaux, puis tu coches personne handicapée, tu peux pas revendiquer aucune revendication. Non, mais au niveau du ministère, ça, je suis d'accord avec toi, là, mais c'est parce qu'il disait pour des emplois en général, dans des petites et moyennes entreprises. Il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a pas d'obligation, mais moi, je m'en fais une moi-même parce que je trouve que de ne pas dénoncer ton handicap quand la personne te voit, faire la boîte à surprise, comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment pas mon style. Puis j'ai pas peur de le dire que je suis non-voyant. Je l'assume et je vis très bien avec. On va continuer dans la lignée de vivre très bien avec. Il y a quand même des belles histoires, Mme Charland, que vous voyez passer. Puis t'en as vécu aussi, Miguel, de ton côté. Les deux côtés, vous avez vu des belles histoires là, qui se sont passées. Que c'est pas parce que là, on a parlé beaucoup là dans les 45 dernières minutes de votre réalité qui était plus difficile, tout ça. Dans ton cas, Miguel, en tout cas. Mais il y en a des belles histoires. Vous en voyez, Mme Charland? Oui. Si on n'intégrait pas des gens, s'il n'y avait pas des success stories, on serait plus là. Ça va de soi. Et dans toutes sortes de secteurs d'activités économiques et dans toutes sortes de milieux, tu sais, je peux peut-être nommer des types d'emplois, là, puis en même temps défaire quelques petits préjugés. Tu sais, une personne qui a des limitations intellectuelles, qui travaille en messagerie de colis. Fait que pour ceux qui pensent qu'une personne n'a pas le droit, peut pas avoir son permis de conduire, puis qui ne sait pas lire, ben là, ça vient d'en défaire un. Ben oui. Une personne qui est en entretien de bâtiment, d'équipement, une personne qui est technicien en santé animale, qui a une formation, qui est TSA. Je mets des limitations, mais c'est pas nécessaire, peu importe la clientèle, là. Mm-hmm. Agent de sécurité, dessinateur de bâtiment, informatique, souvent les personnes TSA, désinfection de jouets dans les CPE. Il y a toutes sortes de domaines. C'est pas juste du travail manuel, comme on peut voir. Par exemple, souvent, on va voir les reportages, c'est souvent des travaux manuels qu'on va donner en usine, au niveau des chaînes de montage, au niveau, quand il y a une limitation intellectuelle, c'est souvent ça qu'on va voir. Bien, il y en a, effectivement. Il y a des gens pour qui ça fait très bien, puis que c'est ça leur intérêt, puis que ça respecte leur capacité, c'est certain. Il y a aussi des entreprises adaptées, c'est vraiment pour des personnes qui ont beaucoup plus de limitations. Mais il y a des entreprises adaptées dans toutes sortes de secteurs. Il y en a dans des secteurs plus à la chaîne, mais il y en a en entretien ménager, il y en a en fabrication de chaussures, il y a tout en couture, il y a toutes sortes de domaines aussi là-dedans. Mais ça peut être diversifié, là. Ben oui. Puis ça dépend aussi de ce que les gens ont la capacité de faire et l'intérêt de faire. Toutes sortes de milieux, là. Quand vous irez peut-être, je vais nommer des noms d'entreprise sans les identifier, là, mais dans un couche-tard, à la Piazzetta, au Cinéplex Odéon, dans un Canadian Tire, tu sais, dans... Mm-hmm. Canac aussi, genre... Tu sais, dans un... Il y a toutes sortes de milieux. J'essaie de nommer des milieux généraux, justement, parce qu'ils ont beaucoup d'employés. Si je nomme un milieu qui embauche une seule personne, la personne va être identifiée, là. C'est pas ça mon but. C'est pour ça que je donne des noms de grandes entreprises qui... Mais c'est toutes sortes de milieux aussi qui embauchent ou vous côtoyez peut-être des gens qui ont un handicap, puis vous le savez même pas. On le sait. Effectivement. Pas. Donc, ça ouvre des portes aussi. Ouais. Ça, est-ce que, tu sais, c'est ça, c'est au niveau des employeurs, ça ouvre des portes, ça enlève un peu de préjugés. Déjà là, on fait comme, la personne n'est pas différente tant que ça. Finalement, oui, il y a des limitations, oui, il y a peut-être une lenteur dans certains cas, oui, mais au bout de la ligne, la personne est à son poste, est à l'heure, tout ça. Fait son travail, répond aux besoins de l'employeur, parce que il n'y a pas un employeur qui va garder qui que ce soit si la personne respecte pas les règles, mais répond pas aux besoins, ça va de soi. Fait que les gens qui sont intégrés et qui sont en milieu de travail, ils répondent aux besoins de l'employeur, ça va de soi. Là. Ça serait à se poser la question si les employeurs ont peur justement de mettre à pied quelqu'un, de donner, comme on dit en bon québécois, son 4% parce qu'elle a une limitation pour pas qu'il y ait... Parce qu'il y en a des fois qui ont peut-être peur de se faire traiter de gros méchants, là, parce qu'ils ont mis à pied quelqu'un qui faisait pas le travail, mais qui avait des limitations. Donc, tu sais, il y a peut-être ce côté-là aussi. Il faut se mettre dans les souliers de l'employeur aussi. Je suis pas sûre. Mais c'est sûr, en quelque part, il faut faire une certaine équation, tu sais, dans c'est le ça. Sens que je veux dire, si le gars fait pas le travail comme il faut ou il respecte pas... ce qu'il y a à respecter. Tu sais, veux pas, c'est bien beau que tu aies un handicap, mais il faut que tu sois capable de t'ajuster le plus possible comme tout le monde. Tu n'as pas d'affaire à être plus privilégié qu'un autre parce que tu as ci ou tu as ça. C'est ça. Ça, là, là-dessus... C'est de faire comprendre nos employeurs, justement. Puis on parlait tantôt de gens qui, même s'ils ont des limitations... conduisent quand même, vont se déplacer très bien. Il y a aussi le côté entourage. Il y en a qui vont avoir des parents qui vont se déplacer pour aller reconduire leur fille, leur fils au travail. Est-ce que vous en voyez beaucoup de ça, de gens, Mme Charland, qui les parents s'impliquent, que l'entourage de la personne les s'implique? Les parents qui s'impliquent. Il y en a beaucoup? Oui. Les parents qui, entre autres, de nos trois clientèles, mais tu sais, souvent, ils sortent de l'école, ils sont plus jeunes. Effectivement, là, les parents, c'est très important dans l'équation quand nos clientèles arrivent puis qu'ils sont jeunes, qui aident, qui accompagnent, qui viennent les premières fois avec eux, qui allent les premières fois montrer le circuit d'autobus. Notre agent d'intégration peut le faire, là. Mais des fois, c'est le parent, là, qui va s'impliquer puis qui va le faire. Puis par rapport à je veux juste une petite parenthèse, ça me fait penser à ça, là. Il y a quand même une réalité très différente entre la ville et la campagne, parce qu'on a un point de service aussi à Portneuf, et là, on a une problématique de transport pour nos clientèles, et effectivement, si le parent ou l'ami ou le conjoint peut pas s'impliquer, transporter, ça devient problématique, là. Oui, ça c'est sûr et certain que à l'extérieur, où est-ce qu'à l'extérieur des grands centres, le transport en commun est moins là, mais il y a le transport adapté aussi. Est-ce que c'est difficile aussi en région? Le transport adapté pour aller au travail? Je dirais que le transport adapté, il y a plus de besoins qu'il y a de capacité. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Miguel, là, si tu n'entends parler un peu. Je ne peux pas me prononcer là-dessus. Okay. Dans ton cas, toi... J'ai le transport adapté dans mon cas, mais moi, par contre, je l'utilise à bon escient. Ce qui veut dire que, regarde, là, on est dans des conditions hivernales où c'est glacé partout. J'ai pris le transport adapté ce matin pour me rendre jusqu'ici. Mais normalement, l'été, quand je connais le trajet, que je sais comment me rendre à un endroit X, je vais prendre l'autobus pour garder quand même mon semblant d'autonomie. Ça, Miguel, là, c'est une chose qui m'impressionne tout le temps de te voir te promener dans la ville de Québec. Que tu viens d'arriver, que ça fait quoi? Ça fait 4 ans que tu es ici? 3 ans. 3 ans, encore moins que ça. Puis tu te promènes d'un bord puis de l'autre dans la ville, puis c'est... Moi, ça m'impressionne tout le temps. J'ose même pas imaginer. Moi, j'ai aucune limitation visuelle, puis je me perds à Québec. Puis toi, tu te perds pas. C'est super. Non, pas du tout. J'essaie de... c'est sûr que je peux me perdre un peu, mais je veux dire, en quelque part, c'est sûr que aussitôt que j'ai commencé à rester à Québec, j'ai pas resté dans la maison pendant un mois ou deux, puis de pas sortir. Non. Quand je suis arrivé, ça a été que je vais aller explorer le coin tout de suite. Ça a été... Faut que je sorte, faut que je marche, faut que j'aille voir de quoi ça a l'air. Puis en terminant, Miguel, il y a Visu Libre que oui, j'aimerais ça sur parler. Sur une note positive, visulibre.org. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? C'est quoi? En terminant. Vas-y. C'est d'aider, on aide les gens non-voyants qui n'ont pas de travail, justement, parce qu'en n'ayant pas de travail, il y a des conditions de la RAMQ qui dit que on va t'attribuer des aides si tu travailles ou si tu étudies. Okay. Donc, moi, ce que je fais, je prends des vieux ordinateurs qui sont sur, comme on dit, le point de finir pour que la plupart des gens voyants, des entreprises ou peu importe, ils décident, eux autres, qui jettent ça, ben plutôt que de les jeter, moi, j'y reprends. J'y recycle avec du logiciel libre parce que moi, je suis un pro de ça. Moi, chez nous, Windows, ça n'existe pas. C'est du Linux et puis ça s'apprend. N'importe quel non-voyant peut utiliser ça. Et toi, tu remontes ça pour redonner aux gens qui non-voyants en ont et ils sont déjà adaptés, ils sont déjà prêts à être fonctionnels. Donc, moi, là, qu'est-ce que je dis aux entreprises? Je passe un autre petit message ici. Donnez généreusement. On a un local au 523 Louis XIV. C'est au CCCL, qui est le centre communautaire Cécitas Lyon. Donc, c'est les clubs Lyon et la fondation Cécitas qui sont là-dedans. Et moi, je suis là tous les jeudis au centre. Donc, ceux qui veulent venir me porter des ordinateurs pour que je puisse les donner à des gens non-voyants réellement dans le besoin, je suis preneur pour tout. Et à ce moment-là, ben, c'est moi qui juge si ces ordinateurs-là, que ce soit des portables ou que ce soit des ordinateurs de bureau. Miguel, je vais mettre toutes les informations sur la page Facebook, les différents. Puis, on va essayer de trouver des ordinateurs pour pouvoir les réparer, les remettre à neuf pour les donner aux gens qui n'ont pas les moyens puis qui sont non-voyants aussi de pouvoir avoir un ordinateur, avoir une petite partie de vie sociale s'ils en ont des fois moins. Ça peut arriver, ça? Ben c'est pour ça. Le but, c'est de briser l'isolement. Parce que les gens, malheureusement, ils n'ont pas le moyen. Tu sais, c'est plate ce que je vais dire, mais je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Ouais. Un chèque d'aide sociale pour les non-voyants, là. C'est pas gros. Je vous avertis, le monde, pensez pas qu'on est riche. On reçoit seulement 930 $ par mois. On n'a vraiment pas les moyens de se payer un ordinateur avec ça, là. Depuis le 1er janvier, je pense que ça a augmenté un petit peu, mais c'est pas bien. Ben 940, mettons. C'est ça. Oh, oui. Ben, c'est. On est en bas du 950 par mois, là. C'est vraiment pas. Avec le coût du loyer, tout ça. Puis si exactement. On est pas en HLM, l'épicerie et tout. Puis si on n'est pas en HLM, comme tu viens de dire, c'est encore pire. Donc, à ce moment-là, les gens n'ont vraiment pas le moyen de se payer un ordinateur. C'est tout juste s'ils arrivent à manger. C'est ça. Puis ils n'ont pas d'aide pour justement avoir un ordinateur, des équipements comme ça. S'ils ne travaillent pas, ils n'ont pas ces aides-là. Donc, visulibre.org, je vais mettre tous les liens sur la page, les différents. En terminant, Mme Charland aussi, je veux vous remercier pour qui travaille. Si on veut vous rejoindre. J'invite les gens à aller sur notre site Internet. Qui travaille.com. Sinon, ils peuvent. Vous aussi, les liens, je vais les mettre sur la page Facebook, les différents. Mais sinon. Téléphoner tout simplement à qui travaille pour avoir des informations, s'inscrire dans le 418-529-5557. Et pour ce qui est de Visulib, un petit dernier plug, c'est en que. En terminant, il y a un reportage qui va avoir lieu à Ami Télé. OK? La télé... Oui. OK? La télé... Oui. Donc, l'émission « Ça me regarde » à partir du mois de mars. Checkez ça. Il y a un reportage spécialement réservé à Visulib qui va être dans cette émission-là. Donc, je vous invite fortement à regarder ça avec attention. Miguel Ross, Sonia Charland et qui travaille. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, moi, de mon côté, c'est tout pour cette semaine. Et il y a juste un petit point en terminant que j'aimerais mentionner. On parle de handicap depuis tantôt. On parle de handicap probablement depuis la naissance, tout ça. Mais il y a une chose, ça peut nous arriver à tout le monde demain matin, avec un accident, avec n'importe quelle niaiserie qui peut nous arriver, d'être handicapé. Et la journée où est-ce qu'on revient sur le marché du travail, ce serait bien de continuer notre travail, tout ça, mais comment ça va se passer, la recherche d'emploi? Si ça vous arrive demain matin d'être handicapé, on se pose la question, hein? C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été avec nous. Vous pouvez nous suivre sur la page Les Différents. Osez être différent cette semaine. Bye-bye.